بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc dans ce jour, le 16e jour du mois de Ramadan de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait cette rencontre par téléphone avec notre cheikh Nizar ibn Hashim al-Abbas, le Soudanais, hafidahullah, pour un cours sur le thème de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons pris comme titre pour ce cours, qui est cette parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amalu wa yulqa ash-shuhu wa yakthuru al-harj. Donc, dans une traduction approximative de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, le temps se rapprochera, les œuvres diminueront, l'avarice se répandra et le meurtre se multipliera. C'est le premier cours que nous faisons cette année, comme on a l'habitude de faire depuis 6 ans maintenant. Ces cours par téléphone avec nos savants et nos mashayikh de cette da'wa mubaraka, da'wat al-salafiyya. Vous retrouverez le cours, il y a eu un petit problème au début, un petit problème avec la radio. Vous retrouverez le cours en entier, incha'Allah ta'ala, dès ce soir ou demain matin, sur le site, donc le site Ahlul Dhikr, ou la chaîne Telegram Ahlul Dhikr, avec la traduction, bien entendu, Inch'Allah Ta'ala, ou une partie de la traduction, donc du fait que la prière est bientôt, on va faire vraiment une traduction, le début de la traduction avec une petite introduction, comme on a l'habitude de faire tous les ans, parce que c'est le premier cours que l'on fait, et on va s'arrêter. Et on continuera donc la traduction de ce cours qui était très bénéfique. Que Allah récompense le shir en bien. Hafidahullah. On fera la traduction avant le prochain cours qui sera mardi. Donc dans 2 jours. Le prochain cours sera mardi. Normalement avec notre shir Abu Hamza Muwaffaq Ibn Hussein Al-Jabbouri. Et vous aurez la fiche du cours sur la chaîne Telegram ainsi que sur le site. Donc le Cheikh Hafidahullah qui nous donnera un cours normalement sur les coups de 4 heures, heure française, Inch'Allah Ta'ala. Donc on prendra une demi-heure avant le cours. Donc c'est-à-dire si le cours il est à 4 heures, donc vous vous branchez à 3h30. Dans tous les cas, on fera une annonce sur la chaîne Telegram, Inch'Allah Ta'ala, pour faire la fin de la traduction de ce cours, le cours d'aujourd'hui, le cours de Cheikh Nizar. Donc Cheikh Nizar, comme on a l'habitude de faire tous les ans, on fait une brève introduction. J'aurai l'occasion de le rappeler après. Pendant les prochains appels qui dureront pendant le mois de Ramadan ainsi que un peu après le mois de Ramadan. Donc cette année, il y a certains de nos mashayikh qui sont malades, qui se sont excusés, qui ne pourront pas faire de cours pendant le mois de Ramadan mais qui feront cours après le mois de Ramadan. Donc un petit peu après le mois de Ramadan, la première et la deuxième semaine du mois de Shawwal. Comme par exemple notre cheikh Fouad Ibn Saoud Al-Amri, Hafidahullah Ta'ala, aussi cheikh Abdurrahman Al-Umaysan, aussi cheikh Al-Allama Ali Ibn Yahya Al-Bahkali, Hafidahullah Ta'ala, qui fait partie des chouyours de Cheikh Al-Allama Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Donc ça c'est un invité qu'on aura cette année, qu'on devait avoir l'année dernière, Cheikh Ali Ibn Yahya Al-Bahkali Hafidahullah Ta'ala, qui nous donnera une kalima Inch'Allah Ta'ala après le mois de Ramadan. D'autres parmi les mashayikh aussi qui seront là après le mois de Ramadan. Donc vraiment le but de ces appels, comme on a l'habitude de le répéter tous les ans, c'est le fait de mettre en relation les frères salafis de France et d'ailleurs, du fait qu'il y a des frères qui nous écoutent aussi à l'étranger, comme certains frères qui sont au Mali, au Maroc, aussi en Égypte, aussi des frères qui sont dans d'autres pays d'Europe, qui nous écoutent et qui suivent les cours que nous faisons tous les ans avec, enfin ces rencontres que nous faisons avec les mashayikh, comme on a l'habitude de dire, vous appelez ça, comme vous l'entendez, c'est-à-dire une série de rencontres avec les mashayikh de la da'wa salafia ou une daura manhajiya, puisque le but de ces appels c'est d'apprendre aux jeunes, aux frères salafi, ou les jeunes ou les moins jeunes, donc ce manhaj, le manhaj salafi al-wadih, ce manhaj que nous apprenons auprès des gens de science, ce manhaj et cette science que nous apprenons auprès des gens de science. Cette chose-là ne s'apprend pas auprès de n'importe qui, mais bien sûr, elle s'apprend auprès des gens de science et de leurs élèves, ceux qui ont étudié auprès d'eux pendant des années. Voilà, ça c'est le but des élèves de Talabat al-Ilm, des élèves de nos savants, le fait de mettre en relation les salafis et aussi les gens de la masse, bien sûr, on peut être salafi et faire partie des gens de la masse quand on ne fait pas partie des étudiants en sciences. Et la plupart des salafis font partie, bien sûr, des gens de la masse. Ce que je veux dire, c'est aussi les gens qui ne se revendiquent pas de la salafia car ils ne la connaissent pas, ils n'en ont pas forcément entendu parler ou ils en ont entendu parler d'une manière qui ne la définit pas, cette da'wa salafia. Donc à partir de là, on met en relation les savants salafis, les savants de da'watul haqq, de l'appel à la vérité et à l'islam véritable qui est as-salafiyya, qui est la compréhension de cet islam par le livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs. On les met en relation avec nos savants salafis qui sont sur la vérité, qui nous expliquent cette religion de vérité de la meilleure des manières. C'est une chose que nous avons mis en place il y a des années maintenant afin de faire revivre cette chose-là pour ceux qui ne peuvent pas être en relation directe avec les savants, comme les frères qui sont ici en France, où il n'y a pas de savants. On n'est pas dans un pays musulman, il n'y a pas de savants, donc la plupart des frères ne sont pas en relation directe avec les savants, parfois par des appels téléphoniques, ce qui est bien rare malheureusement. Et donc nous on tend à cela, donc à mettre en relation les frères avec leurs savants, et afin d'apprendre notre religion, car c'est bien ça que nous faisons ici, c'est l'apprentissage de notre religion. Le plus important point dans cette religion, c'est-à-dire le fait d'apprendre le manhaj, la croyance véritable, et comment étaient nos pieux prédécesseurs dans tous les points de leur religion, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans leurs adorations, que ce soit dans leur comportement. C'est bien ça le manhaj, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, comment ont compris cette religion as-sahaba, qui sont les premiers parmi salaf salih, les premiers prédécesseurs, et ce qu'ils ont suivi dans le bien, radiyallahu anhum ajma'in. Et c'est une chose, c'est ça la base sur laquelle doit œuvrer l'étudiant en sciences qui s'est éduqué chez les savants, le fait de mettre en relation les gens avec ces savants et de les appeler à cela. Comme le disait notre cher Zayd ibn Muhammad Hadi al-Matrali, rahimahullahu ta'ala, ce grand savant qui disait, lorsqu'on lui a posé la question, cette question, subhanallah, était venue de France, lui était posée par des frères de France, il lui demandait quel est le rôle des étudiants en sciences. Il a dit, le rôle des étudiants en sciences, c'est de les mettre en relation, de mettre en relation les gens de la masse avec les savants salafis. Comme il dit Cheikh Mohamed Ben Hadi, hafidahullahu ta'ala, que les savants, ce sont eux, ad-du'at. Les savants, ce sont eux, ad-du'at. Quand on lui a posé la question, c'était une question en disant est-ce que le rôle des savants et des du'at. Donc la personne qui a posé la question, elle faisait la distinction entre les savants et les du'at. Cheikh Mohamed, quand il a répondu, hafidahullahu ta'ala, al-allama Abu Anas, hafidahullahu ta'ala, il a dit al-ulama humud du'at. Donc ce sont les savants, ce sont eux les du'at. Barakallahu fikum. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Donc nous, étant des étudiants auprès de nos savants, nous vous mettons en relation avec les savants afin que vous appreniez votre religion. Et là, c'est le point le plus important de votre religion, la base de cette religion, le manhaj, cette méthodologie qu'avaient nos pieux prédécesseurs, de la manière dont ils ont compris cet islam, l'islam véritable, du point de vue de leurs croyances, de leurs adorations, de leurs comportements. Donc le shir, comme on a l'habitude de faire, on présente toujours ceux que nous appelons, les mashayikh, les savants que nous appelons, toujours sur cette base de cette parole de plusieurs parmi salaf, parmi eux Muhammad ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, où il disait Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Ou, pardon, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Cette science que nous étudions aujourd'hui, c'est une religion, c'est notre religion, la religion de l'islam véritable. Et il nous convient donc de regarder de qui nous la prenons. Et ça, c'est une grande règle dans notre manhaj, le fait de demander après qui nous prenons la science. Qui es-tu? De qui as-tu pris la religion? Qui sont les hommes qui forment ta chaîne de transmission? C'est-à-dire de qui as-tu appris la religion et de qui ils ont appris une chaîne de transmission continue, muttasil, un isnad muttasil, une chaîne de transmission continue vers jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est bien cela que faisait As-Salaf Salih lorsque Al-Fitna est apparue, comme il dit Muhammad ibn Sirin, comme dans l'introduction du Sahih, du recueil authentique de l'imam muslim, rahmatullah alayh, où il disait que lorsque la Fitna est apparue, qu'avant la Fitna, il ne demandait pas sur la chaîne de transmission. Il ne demandait pas sur la chaîne de transmission. Et lorsque la fitna, c'est-à-dire shirk ou al-bida, est apparue, cette fitna, lorsqu'elle est apparue, il demandait sur la chaîne de transmission, et il disait, sammulana rijalakum, donnez-nous le nom de vos hommes, des hommes de qui vous rapportez cette religion. Donc à partir de là, nous, on part sur cette base-là, et on vous met en avant que c'est très important, c'est pour cela aussi que le site en lui-même, c'est al-dhikr, a des recommandations, donc comme vous pouvez le voir sur le site de nos mashayikh, des savants chez qui j'ai étudié, donc notre shaykh al-walid, chez Hassan ibn Abdullah al-Banna, qui aura l'occasion, qui depuis des années nous donne des cours par téléphone, et on aura l'occasion de l'avoir cette année. Aussi, notre cher Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, Khalid Othman. Ça, c'est les recommandations que vous pouvez voir sur le site, ou les ouvertures, les paroles d'ouverture pour ce site, afin que vous soyez apaisé lorsque vous prenez la science sur ce site. Et comme j'ai l'habitude de le répéter, ces cours, vous ne les prenez pas du frère Abdou Samad. Vous les prenez directement des savants de la da'wa salafi. C'est bien ça qu'on met en avant. Ici, vous prenez les cours des savants salafi. Et le frère Abdou Samad ibn Nour, Abu Ubaid, donc moi, je suis simplement un traducteur pour ces cours-là. Je vous traduis, je fais un essai de traduction, un effort de traduction. Par rapport à ces cours-là, celui qui a l'arabe, il le prend directement des savants. Celui qui n'a pas l'arabe, il peut profiter de cette traduction ou aussi des traductions des frères. Et avec l'équipe des frères qui sont avec moi, l'équipe du site Ahl al-Dhikr, on s'entraide donc aussi pour cela, pour faire une traduction approximative, car la traduction est bien quelque chose de très pointu. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme cela. Et moi, je ne prétends pas avoir un niveau donc de la traduction. J'essaie de faire cet effort avec les frères qui sont avec moi dans le site Ahl al-Dhikr. On essaie de faire cet effort afin de traduire de la meilleure des manières les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, on aura l'occasion de citer vers quelles traductions on se tourne, les traductions qui sont reconnues pour le sens des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est aussi un des buts. Pourquoi nous faisons ces appels? Aussi, ces appels, le but... Ils ont donc le but principal, c'est de vous mettre en relation avec les savants, aussi pour les questions. Lorsque vous aurez l'occasion de poser des questions aux savants et que vous voyez que c'est une chose très facile, très simple d'être en relation avec les savants de l'islam, nos savants salafis, directement par des appels téléphoniques, le fait de voir cela, ça empêchera et ça découragera certaines personnes, certains de nos frères, de partir interroger des gens qui sont soit ignorants, soit qui n'ont pas forcément ce niveau, et d'être une fitna aussi pour ces gens qui sont peut-être des gens qui ont un manhaj qui est authentique, mais lorsqu'ils vont leur demander, leur poser des questions, et à force de poser des questions et beaucoup de questions, ça peut être une fitna, une tentation pour eux, qui peut les pousser à répondre et à tomber dans des erreurs. Donc à partir de là, nous, on vous montre, on vous met en évidence que le fait de demander et de prendre la science directement des savants et d'appeler directement les savants, c'est quelque chose de très facile. Tu n'as pas la langue arabe, ton voisin a la langue arabe, demande-lui, j'ai une question, est-ce qu'on peut appeler un tel ou un tel. De nos jours, walilalham, nous avons même des savants qui parlent le français ou qui comprennent le français. Mohamed Cheikh Mohamed Ali Farkous, qui est en Algérie, donc qui comprend le français quand vous appelez, au moins il comprend le français, il a des élèves qui parlent le français, ils peuvent traduire vos questions. Quand vous appelez aussi Cheikh Lazhar Sniqara, vous pouvez l'appeler, il comprend, il parle le français. On a des savants même qui parlent le français, vous avez des élèves salafis qui sont auprès de beaucoup de nos, ou de plusieurs de nos mashayikh salafis. Donc à partir de là, il ne faut pas penser que ça c'est une barrière, la barrière de la langue, mais toujours on vous donne le fait on vous enjoint vraiment à apprendre la langue arabe, qui est la langue de votre religion, la langue du Coran, la langue de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais simplement faire aujourd'hui, donc ça c'était une petite introduction, on aura l'occasion de reparler de cela, donc pourquoi nous faisons ces appels, toutes ces introductions que nous avons l'habitude de faire au début de tous les cours, et cette introduction qui suit ou qui est suivie par une brève biographie des mashayikh que nous appelons. Donc ce shaykh que nous avons appelé aujourd'hui, Cheikh Nizar ibn Hashim al-Abbas, le Soudanais, hafidahullah ta'ala, c'est bien lui qui porte l'étendard de la da'wa salafia là-bas au Soudan. Depuis des années maintenant, il a des cours, il a bientôt une mosquée qui est un centre qui est en train d'être construit là-bas dans la ville de El Khartoum, la capitale du Soudan. Et donc, c'est lui qui porte l'étendard de la da'wa salafia là-bas au Soudan. Et ce shir qui a étudié pendant des années, qui a pris une licence à l'université de Médine, l'université islamique de Médine, il a pris une licence en sharia, c'est-à-dire en sciences, la science légiférée, la science islamique, comme ils disent parfois, la science légiférée. Donc il a pris ce diplôme, ce qui est une licence, Donc 4 ans après l'équivalent du baccalauréat pour ici en France, la licence qui est ici en France généralement c'est 3 ans, là-bas dans les pays musulmans c'est 4 ans, donc 4 ans d'études dans l'université islamique de Médine, à l'époque où il y avait là-bas ce grand savant, le muhaddith de la ville de Médine, Cheikh Hamad Al-Ansari Al-Mali Rahimahullah Ta'ala, qui était le muhaddith de Médine. Et qui était son shir, le shir de Cheikh Nizar, qui lui a aussi fait une recommandation, une teskia, qui le recommandait à l'époque. Si on peut voir, les teskia, c'est bien ça qui nous apporte au-delà de où a appris tel shir ou telle personne chez qui nous apprenons, nous prenons la science. Et ça, c'est quelque chose de général, même pour un étudiant en science qui viendra vous aider, vous mettre la religion d'Allah Azzawajal en avant, hormis le fait de voir où est-ce qu'il a appris. Et il faut bien voir aussi les recommandations et qui le recommande parmi les gens de science salafi. Parce qu'il peut avoir appris chez des salafis, à côté de cela aussi avoir appris chez des gens de l'innovation. Il peut avoir appris chez des salafis après avoir été égaré, comme par exemple Ali Al-Halabi, qui est un grand innovateur, qui a appris auprès de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, même si il ne fait pas partie de ses élèves, comme le dit lui-même Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Aussi par exemple Abul Hassan Al-Ma'ribi, qui a appris auprès de Cheikh Cheikh Mouqbil aussi Al-Maghraoui au Maroc, qui a appris aussi lui auprès des machaires de Médine à l'époque, des grands savants de Médine, et tout cela ce sont des égarés, et malgré qu'ils ont appris chez les grands savants. Donc le plus important pour nous c'est de voir que la personne est claire et a un manhaj qui est sain, qui est juste, même après ses études auprès des savants salafis. C'est quelque chose de très important. Donc nous voyons que notre Cheikh Nizar, il a détesté qu'il y a donc à l'époque du Cheikh Hamad, et aujourd'hui Cheikh Rabi Al-Allama Imam Al-Jarh wa Ta'dil, qui lui fait tesquia qu'il y a jusqu'à aujourd'hui Cheikh Mohamed Ben Hadi aussi et autres, et il est très connu parmi les savants de la da'wa salafia dans le monde musulman entier. On aura l'occasion d'en reparler rapidement et je vous ferai la traduction dans 2 jours, Incha'Allah Ta'ala, avant le cours de Cheikh Muwaffaq ibn Hussein Al-Jabburi, Hafidhahullah Ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.